Un peu de gaieté pendant les fêtes, aux blagues, les tracas du quotidien. Tous ensemble accrochons nos chaussettes à la cheminée, c'est pour ton bien. Il n'est plus temps de penser à ce que disent les médias, et puis la télé, ne la rallumons pas. Rejoignez les gens qui toute l'année vous aiment, et soyez heureux. Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Joyeux Noël à tous et surtout la santé. Pardonnez si je vous ai saoulé avec mes idées non partagées. Si par hasard vous m'avez gavé, moi je vous ai déjà tout excusé. L'heure n'est plus au dégoût, ni à la réprimande, ni à la colère, mais plutôt à l'offrande. La vie est trop courte, il faut en profiter, c'est là le moment. Joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Je vais maintenant faire le tour des gens qui pour moi sont tous très importants. La première et pas la moindre, c'est maman. J'aime ma femme d'amour et mes enfants. Mes frères et mes sœurs et mes cousins et mes cousines. Tonton et tata et puis Richard et Sabine. Franklin, Aurélie, Thierry, Eric, Yannick, Chouki, Jimmy, Olivier, David, Lydie, Guylaine, Julie, Lette, Xavier, Daniel et François, Stéphane, Julien, Sabrina, Isabelle, Marjorie et Paul, Franck, et Philippe, Alex et Carole, Tony, Mylénie, David et Christine, Guillaume, Fabrice, Estelle, Gwena, Jérôme, Samuel, Marion, ouais, Christophe, Anissa, Vincent, Maxime, Mélanie, Pierre, Lucie, Loïc, Rulio et aussi Jérémy, Aurélien, Charlène, Audrey, Angèle et Adeline, Jean-Philippe, Jean-Pierre, Marise, Adrienne et puis Gilles, Bastien, Yann, Thomas, Johan, Suzy, Simon, Renaud, Rémi, Pierre, Paul, Ludovic, Jonathan, les trappeurs. Loin de moi l'idée de vous oublier, si toutefois je l'ai fait, merci de pardonner.